Pour moi, sur toute chose, un mépris me surprend. Et pour punir le sien par un autre aussi grand, je veux mettre en mon cœur une nouvelle flamme. Et moi, je ne veux plus m'embarrasser de femmes. À toutes, je renonce. Et crois, en bonne foi, que vous feriez fort bien de faire comme moi. Car, voyez-vous, la femme est, comme on dit mon maître, un certain animal difficile à connaître, et de qui la nature est fort encline au mal. Et comme un animal est toujours animal, et jamais ne sera qu'animal quand sa vie durerait 100 000 ans, aussi sans répartie, la femme est toujours femme, et jamais ne sera que femme tant qu'entier le monde durera. D'où vient qu'un certain grec dit que sa tête passe pour un sable mouvant? Car goûtez bien de grâce ce raisonnement-ci, lequel est des plus forts. Ainsi que la tête est comme le chef du corps, et qu'un corps sans chef est pire qu'une bête. Si le chef n'est pas bien d'accord avec la tête, que tout ne soit pas bien réglé par le compas, nous voyons arriver de certains embarras. La partie brutale, alors, veut prendre empire dessus la sensitive. Et l'on voit que l'un tire à Dia, l'autre à Uro, l'un demande du mou, l'autre du dur. Enfin, tout va sans savoir où, pour montrer qu'ici-bas, ainsi qu'on l'interprète, la tête d'une femme est comme la girouette au haut d'une maison qui tourne au premier vent. C'est pourquoi le cousin Aristote souvent la compare à la mer. D'où vient qu'on dit qu'au monde, on ne peut rien trouver de si stable que l'onde? Or, par comparaison, car la comparaison nous fait distinctement comprendre une raison, et nous aimons bien mieux, nous autres gens d'études, une comparaison qu'une similitude. Par comparaison, donc, mon maître, s'il vous plaît, comme on voit que la mer, quand l'orage s'accroît, vient à se courroucer. Le vent souffle et ravage. Les flots, contre les flots, font un remue-ménage horrible. Et le vaisseau, malgré le nautonnier, va tantôt à la cave et tantôt au grenier. Ainsi, quand une femme a sa tête fantasque, on voit une tempête en forme de bourrasque qui veut compétiter par de certains propos et lors de certains vents qui par de certains flots, de certaines façons, ainsi qu'un banc de sable, quand les femmes, enfin, ne valent pas le diable. C'est fort bien raisonné. Assez bien, Dieu merci, mais je les vois, monsieur, qui passent par ici. Tenez-vous ferme, au moins. Ne te mets pas en peine. J'ai bien peur que ses yeux resserrent votre chaîne. Je l'aperçois encore. Mais ne vous rendez point. Ne me soupçonne pas d'être faible à ce point. Il vient à nous. Non, non. Ne croyez pas, madame, que je revienne encore vous parler de ma flamme. C'en est fait, je me veux guérir. Et connais bien ce que de votre cœur a possédé le mien. Un courroux si constant pour l'ombre d'une offense m'a trop bien éclairci de votre indifférence. Et je dois vous montrer que les traits du mépris sont sensibles surtout aux généreux esprits. Je l'avouerai, mes yeux observaient dans les vôtres des charmes qu'ils n'ont point trouvés dans tous les autres. Et le ravissement où j'étais de mes fers les aurait préférés à des sceptres offerts. Mais enfin, il n'importe. Et puisque votre haine chasse un cœur que l'amour tant de fois vous ramène, c'est la dernière ici des importunités que vous aurez jamais de mes voeux rebutés. Vous pouvez faire au mien la grâce tout entière, monsieur. Et m'épargnera encore cette dernière. Eh bien, madame, eh bien, ils seront satisfaits. Oui, je romps avec vous. Et j'irons pour jamais, puisque vous le voulez. Que je perde la vie lorsque, de vous parler, je reprendrai l'envie. Tant mieux, c'est m'obliger. Non, non, n'ayez pas peur que je fausse parole. Eussé-je un faible cœur jusque à n'en pouvoir effacer votre image, croyez que vous n'aurez jamais cet avantage de me voir revenir. Ce serait bien en vain. Moi-même, de 100 coups, je percerais mon sein si j'avais jamais fait cette bassesse insigne de vous revoir après ce traitement indigne. Soit, n'en parlons donc plus. Oui, oui, n'en parlons plus. Et pourtant, chérissez tout propos superflu et vous donnez, ingrate, une preuve certaine que je veux sans retour sortir de votre chaîne. Je ne veux rien garder qui puisse retracer ce que, de mon esprit, il me faut effacer. Voici votre portrait. Il présente à la vue 100 charmes éclatants dont vous êtes pourvus. Mais il cache sous eux 100 défauts aussi grands. Et c'est un imposteur, enfin, que je vous rends. Bon. Et moi, pour vous suivre au dessein de tout rendre, voilà le diamant que vous m'aviez fait prendre. Fort bien! Il est à vous, encore, ce bracelet! Et cette agate, à vous, qu'on fit mettre au cachet. Vous m'aimez d'un amour extrême, Éraste, et de mon cœur vous les êtes éclaircis. Si je n'aime Éraste de même, au moins aimais-je fort qu'Éraste m'aime ainsi. Lucile, vous m'assuriez par là d'agréer mon service. C'est une fausseté digne de ce supplice. J'ignore le destin de mon amour ardente et jusqu'à quand je souffrirai. Mais je sais, ô beauté charmante, que toujours je vous aimerai, Éraste. Voilà qui m'assurait à jamais de vos feux. Et la main et la lettre ont menti toutes deux. Poussez ! Elle est de vous. Suffit, même fortune. Ferme ! J'aurais regret d'en épargner aucune. N'ayez pas le dernier. Tenez bon jusqu'au bout. Enfin, voilà le reste. Et grâce au ciel, c'est tout. Que sois-je exterminé si je ne tiens parole. Me confonde le ciel si la mienne est frivole. Adieu donc. Adieu donc. Voilà qui va des mieux. Vous t'ayant fait. Allons, ôtez-vous de ses yeux. Retirez-vous après cet effort de courage. Qu'attendez-vous encore? Que faut-il davantage? Oh, Lucile, Lucile, un cœur comme le mien se fera regretter, et je le sais fort bien. Éraste, Éraste, un cœur fait comme est fait le vôtre se peut facilement réparer par un autre. Non, non, cherchez partout. Vous n'en aurez jamais de si passionné pour vous, je vous promets. Je ne dis pas cela pour vous rendre attendri. J'aurais tort d'en former encore quelque envie. Mes plus ardents respects n'ont pu vous obliger. Vous avez voulu rompre, il n'y faut plus songer. Mais personne après moi, quoi qu'on vous fasse entendre, n'aura jamais pour vous de passion si tendre. Quand on aime les gens, on les traite autrement. On fait de leur personne un meilleur jugement. Quand on aime les gens, on peut de jalousie sur beaucoup d'apparence avoir l'âme saisie. Mais alors qu'on les aime, on ne peut en effet se résoudre à les perdre. Et vous, vous l'avez fait. La pure jalousie est plus respectueuse. On voit d'un œil plus doux une offense amoureuse. Non, votre cœur, Éraste, était mal enflammé. Non, Lucile, jamais vous ne m'avez aimé. Je crois que cela faiblement vous soucie. Peut-être en serait-il beaucoup mieux pour ma vie si je... Mais laissons là ces discours superflus. Je ne dis point quelles sont mes pensées là-dessus. Pourquoi? Par la raison que nous rompons ensemble et que cela n'est plus de saison, ce me semble. Nous rompons? Oui, vraiment. Quoi? N'en est-ce pas fait? Et vous voyez cela d'un esprit satisfait? Comme vous? Comme moi? Sans doute. C'est faiblesse de faire voir aux gens que leur perte nous blesse. Mais cruel, c'est vous qui l'avez bien voulu. Moi? Point du tout, c'est vous qui l'avez résolu. Moi? Je vous ai cru là faire un plaisir extrême. Ouais, vous avez voulu vous contenter vous-même. Mais si mon cœur encore revoulait sa prison, si tout fâché qu'il est, il demandait pardon. Non, non, n'en faites rien. Ma faiblesse est trop grande. J'aurais peur d'accorder trop tôt votre demande. Oh, vous ne pouvez pas trop tôt me l'accorder, ni moi, sur cette peur trop tôt le demander. Consentez-y, madame, une flamme si belle doit pour votre intérêt demeurer immortelle. Je le demande, enfin, me l'accorderez-vous, ce pardon obligeant? Remenez-moi chez nous. Oh, la lâche personne! Ah, oh, le faible courage! J'en rougis de dépit! J'en suis gonflé de rage! Ne t'imagine pas que je me rende ainsi! Et ne pense pas, toi, trouver ta dupe aussi! Viens, viens frotter ton nez auprès de ma colère! Tu nous prends pour une autre? Et tu n'as pas affaire à ma sotte maîtresse. Ardez le beau museau pour nous donner envie encore de sa peau. Moi, j'aurai de l'amour pour ta chienne de face. Moi, je te chercherai. Ma foi, l'on t'en fricasse, des filles comme nous. Ouais, tu le prends par là. Tiens, tiens, sans y chercher tant de façons, voilà ton beau galant de neige avec ta non-pareille. Il n'aura plus l'honneur d'être sur mon oreille. Et toi, pour te montrer que tu m'es à mépris, voilà ton demi-cent d'épingles de Paris que tu me donnas hier, avec tant de fanfare. Tiens, encore ton couteau. La pièce est riche et rare. Il te coûta six blancs lorsque tu m'en fis don. Tiens tes ciseaux, avec la chaîne de laiton. J'oubliais d'avant-hier ton morceau de fromage. Tiens, je voudrais pouvoir rejeter le potage que tu me fis manger pour n'avoir rien à toi. Je n'ai pas maintenant de tes lettres sur moi, mais j'en ferai du feu. Jusque à la dernière. Et d'Étienne, tu sais ce que j'en saurais faire? Prends garde de ne venir jamais me reprier. Pour couper tout chemin à nous rapatrier, il faut rompre la paille. Une paille rompue rend entre gens d'honneur une affaire conclue. Ne fais point les doux yeux, je veux être fâché. Ne me lorgne point, toi. J'ai l'esprit trop touché. Romps! Voilà le moyen de ne s'en plus dédire. Romps! Tu ris. Bonne bête. Oui, car tu me fais rire. La peste soit ton riz. Voilà tout mon courroux déjà dulcifié. Qu'en dis-tu? Romprons-nous ou ne romprons-nous pas? Vois. Vois-toi. Vois-toi-même. Est-ce que tu consens que jamais je ne t'aime? Moi? Ce que tu voudras. Ce que tu voudras, toi. Dis. Je ne dirai rien. Ni moi non plus. Ni moi. Ma foi, nous ferons mieux de quitter la grimace. Touche, je te pardonne. Et moi, je te fais grâce. Mon Dieu, que t'es un pas, je suis un coquinet. Que Marinette est sotte après son gros René. Consentez-y, madame. Une flamme si belle, droit pour votre intérêt demeurer immortel. Je le demande, enfin. Me l'accorderez-vous, ce pardon obligeant? Remenez-moi chez nous.